Chapitre 12e. Tout gros qu'il fût, l'acolyte de Piébald était digne de faire un champion de course à pied. En voyant Teddy se relever et bondir vers lui, il détala avec la vitesse d'un lièvre. Hélas, Teddy était autrement véloce que lui. En trois énormes enjambées, il le rejoignit, et d'un formidable coup de poing sur la nuque, l'abattit à ses pieds. Il se retourna alors et vit Piébald qui était resté sur le marchepied de l'auto. Bien que le bandit eût changé de déguisement, Teddy le reconnut d'un coup d'œil. Il se rua vers l'auto, et avant que Piébald ait eu le temps de crier à argouliant d'embrayer, fut sur lui. Grâce, hoqueta Piébald, étranglé aux trois quarts par la poigne puissante d'Edgar Clams, qu'il avait saisi par le cou et soulevé comme un simple paquet. Et ma femme, où est-elle? Gronda Teddy, en secouant le petit homme qui ruait comme un cheval suspendu à ses brancards. Piébald aurait bien voulu répondre, il ne le pouvait pas. Les doigts d'acier du géant lui broyaient le larynx. Teddy le comprit et le jeta sur le sol comme une ordure, juste au moment où Argouliant, s'apercevant de ce qui se passait, mettait l'auto en marche. C'était trop tard. Teddy d'un bond fut sur le marchepied. À travers la glace de la portière, il reconnut sa femme, affalée sur le capitonnage. Sa rage fut à son comble. Il se pencha vers le marchand de pierreries qui claquait des dents. « Argouliant, rugit-il en reconnaissant le bandit, stop, ou je t'écrase, vermine. Oh, mais ils y sont tous alors. Nous allons bien voir. » Argouliant, il n'est pas besoin de le dire, avait immédiatement obtempéré à l'ordre d'Edward Clams. Celui-ci gronda. « Toi, nous nous expliquerons tout à l'heure, et ne bouge pas l'auto ou je te tue. Vous pouvez être sûr. » bafouilla Argouliant, qui bavait de terreur. Sans l'écouter, Teddy s'engouffra dans la voiture. « Julia, petite, murmura-t-il en redressant la jeune femme, Julia !» Un concert d'exclamations poussé par les voyageurs du rapide le fit sursauter. Machinalement, il ressortit de la voiture et distingua, dominant les cris, le crépitement d'un moteur dans les airs. Il leva la tête et vit un grand avion piqué droit vers le sol et après une habile de vol de face, qui l'amena face au vent, atterrir doucement à moins de 50 mètres de l'auto. Deux hommes, presque aussitôt suivis d'un troisième, en descendirent. Ils se dirigèrent au pas de course vers le train, mais brusquement, celui qui tenait la tête, sortant un pistolet de sa poche, bondit droit sur l'automobile, ou plutôt sur Piébald, qui s'étant relevé, frottait ses genoux endoloris. « Corf, le détective Corf !» s'écria Argouliant. « Et Joe et Blanquette de Scotland Yard, ils nous ont reconnus !» Teddy, qui était toujours sur le marchepied, regarda les trois hommes. Le troisième n'était autre que le pilote de l'avion et fronça les sourcils. D'un geste machinal, il porta la main à la poche de derrière son pantalon, d'où il retira un Browning perfectionné. Une réflexion rapide, sans doute, lui rappela qu'il était en France et non dans la brousse australe. Il rengaina vivement son arme. « Monte ! » cria-t-il à Piébald. « Et Goliath, il est celui que j'ai assommé. Il a son compte, » fit sobrement Teddy, qui, ayant empoigné Piébald par le col de son veston, le souleva et l'enfourna dans le véhicule. « En avant » gronda-t-il à l'adresse d'Argouliant, « en quatrième vitesse. » Le marchand de pierreries n'attendait que cet ordre. Il lança la voiture à toute allure dans la direction d'Arles. Des cris furieux poussés par Corf et Joey Blanquette retentirent. Trois détonations claquèrent. Sans hésiter, Blanquette avait fait feu sur la voiture. Ses balles passèrent à quelques mètres à peine du rapide véhicule. « Rien à faire !» haleta Jérôme Corf en s'arrêtant. « Nous sommes joués !» Teddy devait être avec eux. Le grand gaillard qui était sur le marchepied, fut Blanquette. « Mais que veut dire tout ceci ? Argouliant, qui a rejoint le rapide en pleine campagne, qui se trouve là juste au moment où le train saute, car il y a eu une explosion dans le wagon. « C'est un coup monté, mais pourquoi ?» L'homme, là-bas, près du train qui est à terre. « Nous allons l'interroger, » observa Corf, qui sans attendre s'élança vers le corps inerte de Goliath. « Il est mort, on en vaut guère mieux, » murmura-t-il, après s'être penché sur le gros homme. « On dirait que le cœur bat pourtant. Je n'entends pas grand-chose. Il n'y a qu'à le transporter dans le « ho-ho ». Un ronflement strident retentissait. Les cris de Joey Blanquette et ceux du pilote de l'avion se mêlèrent aux exclamations de Corf. Le ronflement était produit par les moteurs de l'aéroplane qui venait d'être remis en marche. L'appareil lui-même, supérieurement manœuvré, roulait déjà sur le sol pierreux à une allure rapide. Mon avion! Hurla le pilote. Corfe et Joe et Blanquette ne répondirent pas. L'aéroplane d'un coup décollait et filait obliquement comme une flèche dans le ciel pâli par le mistral. Les trois hommes étaient immobilisés, béants, ahuris, stupides. « Mon avion !» répéta le pilote. « C'est un des voyageurs du train. Oh, mais il faut prévenir la police !»« Je m'en charge, » grommela Korf. « Je suis inspecteur de la sûreté. » L'aviateur ne répondit pas, mais son regard fut éloquent. Il exprimait un étonnement sceptique. « C'est peut-être un simple voleur, » murmura Joey Blanquette en se dirigeant vers le train, flanqué de ses deux compagnons. « Non, c'est un ami d'Argoulian, ou un ennemi, » observa Korf. « Je ne vois pas bien. »« Moi, je vois, » grommela Korf. « Il va suivre l'auto. Il veut savoir où elle va. Et avec l'avion, il le peut. « Vous aviez encore beaucoup d'essence dans vos réservoirs ?» demanda-t-il au pilote. « 3 ou 4 heures de vol, de quoi aller presque jusqu'à Paris. » Korf soupira. En quelques pas, les trois hommes eurent rallié le rapide. Le fourgon en flammes venait d'être détaché et séparé, et le chef de train, d'accord avec le mécanicien, se disposait à repartir. Déjà, les contrôleurs appelaient les voyageurs pour qu'ils prissent place dans les voitures. Jérôme Korf s'étant fait indiquer le chef du train, lui fit connaître sa qualité et obtint un délai de quelques minutes qu'il employa, aidé de Joey Blanquette, à transporter le gros Goliath dans un compartiment. Le train repartit aussitôt. Korf et Blanquette, sans perdre un instant, essayèrent de ranimer Goliath, sans succès. Un des voyageurs, qui était médecin, examina le gros homme et déclara qu'il vivait encore, mais qu'il se pouvait fort bien que le cœur qui ne battait plus que par intermittence s'arrêta pour jamais. Des piqûres de caféine fournies par la pharmacie portative du rapide parvinrent pourtant à ranimer Goliath. Et il ouvrit les yeux, ses lèvres remuèrent et ce fut tout. Il retomba dans sa torpeur. À Avignon, où le Calais Méditerranée arriva 1 heure plus tard, Korf et Joey Blanquette firent transporter le misérable à l'hôpital. Pendant le trajet, il l'avait fouillé et n'avait trouvé sur lui qu'un 1 000 000 de francs en billets de banque, un étui contenant des cigarettes anglaises et une carte de légitimation du consulat de Grèce à Paris au nom d'Eleutheros Golias, négociant en grains. Mais rien qui apportât, soit à Teddy, soit à Argoulian, Piebald ou autre personnage touchant de près ou de loin à l'assassinat de Karl Jacobsen. Tandis qu'on transportait Golias à l'hôpital, Korf fit sa déposition au commissaire de la gare d'Avignon, qui avait été rejoint par le commissaire central de la ville, lequel venait enquêter sur l'incendie du fourgon du rapide. Plainte contre inconnu pour vol fut déposée par le pilote de l'avion. Des télégrammes furent envoyés dans toutes les directions, signalant l'automobile grise et l'aéroplane. « Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer à Paris, » grommela Korf mélancoliquement. Notre seul espoir réside en Vacariades. Par lui, peut-être, aurons-nous quelques nouvel indice. Teddy nous a échappé, par votre faute. Si vous ne m'aviez pas aussi grotesquement fait arrêter, ce qui m'a retardé et m'a empêché d'être en temps voulu à bord de l'Australian, j'aurais... Pardon, vous-même, vous m'avez fait retenir comme pickpocket international, monsieur Korf. Vous ne me ferez jamais croire le contraire. Sans ce stupide procédé, je me serais abouché avec Teddy et... « Je vous répète que je ne suis pour rien dans votre arrestation. Ce n'est pas ma faute à moi si on vous a pris pour un pickpocket. En tout cas, j'ai découvert et arrêté Vacariades, et ce sera sans doute lui qui nous fera trouver les coupables, s'il n'en est pas un lui-même. »« Et s'il ne s'est pas évadé comme Sonia Argoulian, quand nous reviendrons à Paris, » ricana Joey Blanquette, qui était de fort méchante humeur. Le premier train pour Paris, un express, passait seulement à 3 heures de l'après-midi. Korf et Joey Blanquette eurent tout le temps pour déjeuner. Avant de regagner la gare, ils s'en furent à l'hôpital prendre des nouvelles de Goliath. Il leur fut répondu que le malade était toujours très faible, tellement faible qu'il était impossible d'en tirer la moindre parole. Les deux policiers se résignèrent donc à prendre le train. Ils arrivèrent à Paris le lendemain vers 6 heures du matin et se séparèrent aussitôt, après s'être donné rendez-vous à 10 heures dans le bureau de M. Serpier. Jérôme Korf, démocratiquement, prit le métropolitain et regagna son modeste logis de la rue Nollet. Il était dépité autant que furieux. Non seulement il n'avait pu joindre Teddy, mais encore il avait été d'abord joué, et ridiculisé par Joey Blanquette. Il avait vu filer à son nez Argouliant et Piébald en plus de Teddy. Elle avait assisté ensuite à l'audacieux enlèvement de l'avion. Et moi qui avais juré au chef de me distinguer, pensa-t-il amèrement. Mais rira bien qui rira le dernier. Nous ne sommes pas au bout. C'est idiot. Mais je me demande si le Joey Blanquette de malheur ne serait pas avec la bande Argouliant et compagnie. Oui, je me le demande. Depuis 3 nuits, Korff ne dormait pas. Le manque de sommeil, la fatigue et surtout l'énervement le rendaient pessimiste, comme il ne l'avait jamais été. Arrivé chez lui, il changea de linge, fit une rapide toilette, puis ayant réglé son réveil matin de façon à ce qu'il sonnât à 9h30, s'allongea sur son lit et ne tarda pas à s'endormir. À 10h, il pénétrait dans le bureau de M. Serpier. Rien qu'à sa mine, le chef de sûreté comprit que les affaires n'étaient pas brillantes. Korff, sans se faire prier, raconta par le menu ses aventures. Je ne veux que vous féliciter, Korff, de ce que vous avez fait, lui répondit son chef. On ne réussit pas toujours du premier coup. Quant au tour que vous a joué Joey Blanquette, si vous pouviez le prouver, je le ferais coffrer sans hésiter. Ça lui apprendrait à se moquer des gens. Je me demande, chef, qui est celui qui l'a fait arrêter lui-même? Un des comparses de Teddy, qui l'aura reconnu, sans doute. Peu importe le reste. Ici, rien de nouveau. Sonia Argouliant est introuvable. Quant à Vakariades, il refuse de parler. J'ai l'impression qu'il attend des instructions de ses complices. Deux coups frappés à sa porte interrompirent les réflexions de M. Serpier. C'était son secrétaire particulier, M. Bougenet. Chef, dit-il, l'on me téléphone de la santé. Le détenu Vakariades est mort subitement cette nuit. Suicide ou mort subite? On ne sait pas encore.